Toujours à l'occasion de la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, le Comité national d'études du Kim Il-sungisme Kim Jong-ilisme du Nigeria a inséré le 25 août dans son page d'internet un article intitulé « La Corée est une puissance de la jeunesse ».